Arrêtez! Je suis là incognito. Oh! Je ne supporte plus ces paparazzi qui veulent à tout prix prendre LA photo et qui ne respectent pas le privé de ma vie. Bon, d'accord, je me la joue. Mais cela fait tellement de bien de croire même pour un jour que ce monde est vraiment le mien.